sind da. Ramène la chambre à gaz, ici c'est la masse. Trop talent, ici c'est la masse. C'est ce doc, ramène la chambre à gaz. Ici c'est la masse. Ramène la chambre à gaz, ici c'est la masse. Trop talent, ici c'est la masse. C'est ce doc, ramène la chambre à gaz. Ici c'est ce doc. Check le mic, check les checks, c'est ce doc à la prod. Fraîche, monté parqué, plus fric qu'un billet de banque. Des coups de crosse dans ta bouche, ça te manque. Nique les tarlouches, j'arrive pour faire mon billet. Reprise de volée, c'est ce doc. Carré pour trouer les filets. Attaquant de point, jamais essoufflé. Tellement de fans que les jaloux me réclament. J'suis fier de mes origines, marre des coups de finale. On est marre de voir des victimes, marre de voir mes frères sniquer à la cocaïne. J'ai fait ma place, faudra me passer sur le corps. J'rappe avec un pape à mon hardcore. Plus bon, mais sauf le j'ai tu m'as avec un faux bâtard. J'suis Mola Omar au mic, j'passe avec mes Nike Air. Essoufflé, t'arrives même plus à me solliciter. Ramène la chambre à gaz, ici c'est la masse. Trop talent, ici c'est la masse. C'est ce doc, ramène la chambre à gaz. Ramène la chambre à gaz, blé, blé, blé. Ici c'est ce